promettait fondière, qu'il disait mélange pour comprendre mon père. Pas ni plus ni moins qui donne. C'est Patrick, c'est l'amour. Souffle, c'est la vie, c'est vent, liberté. Et même pleurer, puis prendre force encore à vous.